Et en cette fin d'émission, eh bien, c'est Raymond Poirier qui est avec nous pour parler technologie d'information. Bonjour Raymond. Bonjour Tania. Et tu nous parles d'Open Data et de Big Data depuis les dernières semaines. Et là, il y a finalement eu le colloque qui s'appelait « Au cœur de la ville intelligente ». Et t'es là pour nous en faire le résumé. Exactement, exactement. En fait, c'est un peu, au fil des dernières semaines, la montée vers ce parcours, vers cet ultime moment, si on peut dire, dans notre année, du moins, autour de la question des données ouvertes, de la question des données massives. Ça reste des thématiques qui sont extrêmement présentes aussi, mais on se donnera peut-être une petite pause estivale avant de retomber à pieds joints dans ce sujet. Mais Raymond, avant, j'ai une question, parce qu'il y avait beaucoup de flou autour des big data, de l'open data, parce qu'on se disait, mon Dieu, ce qu'on va faire avec ça, est-ce qu'on a pu régler des choses au colloque où on est encore dans ce flou-là? On est encore un peu dans ce flou-là, dans la mesure où c'est une discipline, si on peut dire, qui est vraiment en émergence. Donc, il y a encore beaucoup de questionnements face au big data, face à la manière d'aller les forer, face à la façon de les explorer, la façon de les mettre en valeur. Quand on parle des données, il y en a certaines sur lesquelles on est peut-être un peu plus bien campé. Par exemple, la question des données ouvertes, ça, on sait clairement où on s'en va, on sait ce qu'on veut faire, on sait essentiellement de quelle manière on veut essayer de le faire. Donc ça, on sait. Ça sent bien, ça. On est déjà dedans, okay. C'est pas pire, on y a pas mal pensé. Par contre, le big data lui-même, là, effectivement, on en retombe un peu dans ce flou-là. Et c'est ce qui est vraiment sorti aussi de la journée de recherche, la journée de réflexion, dans la mesure où le matin était beaucoup consacré justement aux données ouvertes, aux citoyens dans la ville, à de quelle manière, en fait, on cohabite avec ces données-là de manière quotidienne. Dans l'après-midi, là, c'était vraiment plus sur la question justement des données massives, de leur forage, des algorithmes, de l'utilité en entreprise. Et là, on est tombé dans un certain flou où il y a quand même des questions qui en ressortent. Il y a des hypothèses, il y a des actions qui en ressortent aussi. On sent le potentiel, mais on n'est pas encore absolument certain de quelle manière l'exploiter au mieux. Cela dit, peut-être c'est si on redéfinit un peu les choses. Quand on parle de big data, ce qui en est beaucoup ressorti, c'est bon les 3 V ou les 5 V. En fait, il y a des V qui ont été mis de l'avant par Gartner. On parle de volume, vitesse, variété principalement. Ensuite, on peut avoir la notion de valeur, variété et autres. Donc, visualisation aussi, l'idée de représenter ces données-là. Et l'idée que dans le contexte de la ville, disons, c'est pas la ville au bout du compte qui est intelligente, c'est plutôt les objets qui la construisent, qui la rendent intelligente. Donc, la façon dont on rentabilise ces données-là, la façon dont on les comptabilise. Et c'est là qu'on va aller générer de la valeur. Et ça, dans un contexte où c'est Philippe Neubourg de Cideo qui disait, on peut pas y échapper, dans le fond. On est déjà dedans, qu'on sache. Ouais, c'est ça. Ce qu'on veut en faire ou non, ça à ce stade-ci, ça a une importance relative dans la mesure où on est déjà dedans c'est ce qui s'en vient. Il nous donnait des exemples de technologies qui étaient en place, notamment il y a Nest, le thermostat intelligent qui a été racheté quelques temps par Google, où essentiellement, on va être en mesure de savoir à quel moment on augmente le chauffage dans nos maisons, on le baisse, à quel moment il y a des gens à l'intérieur et le reste. Donc ça devient des données quand même assez quotidiennes. On parle déjà aussi d'auto intelligente qui serait dans le fond conduite par des capteurs à partir des données qui sont générées autour des véhicules. Qui se stationne tout seul, par exemple. Qui se stationne tout seul. Il y a aussi, en fait, la fourchette connectée, parce que c'est aussi toute la gamme d'objets connectés, en fait, qui s'en viennent dans notre quotidien. Monsieur Neubourg, lui, a sorti sa fourchette. Il dit, regardez, moi, j'ai une fourchette qui évalue le poids de ce que je mange et qu'à un moment donné, quand elle juge que j'ai trop mangé parce que, je veux perdre du poids, eh ben elle se met à vibrer. Et elle envoie aussi le poids de ce que j'ai consommé dans un ordinateur qui me permet ensuite de comparer ma consommation, etc., etc. Gestion de... Donc, on rentre un peu dans toute l'idée du soi connecté, dont on a déjà parlé aussi ici à l'émission, et il donnait aussi l'exemple de Nicolas Felton, humanapi.co, qui lui a lancé un peu l'idée de regrouper un peu toutes ces données-là sur le web. C'est drôle parce que tu parlais de la fourchette, et quand il y a eu par exemple la télévision, les affaires comme ça, j'imagine que les gens se disaient, on a l'impression d'être dans le futur. Mais nous, on se dit, on a un peu tout vécu, mais tu parles d'une fourchette qui te dit quand t'as assez mangé. C'est sûr qu'il y a déjà quelqu'un quelque part qui a dit, serais-tu le fun, hein, qu'il y ait une fourchette qui te dise que t'as assez mangé? Mais ça existe maintenant. Et ça, dans un contexte, donc, de données. Oui. Alors, maintenant, de quelle manière on réussit à en faire quelque chose? C'est intéressant parce qu'en après-midi, on a exploré un peu l'angle du data scientist puis du data engineer, donc de l'ingénieur de données, du scientifique, de l'analyste de données. C'est deux pratiques qui sont quand même assez différentes et qui sont, dans les deux cas, en émergence. Donc, au niveau analyste, au niveau scientifique de données, c'est Anne-Sophie Charest du département de mathématiques et de statistiques de l'Université Laval qui nous a parlé un peu des défis que les statisticiens, dans le fond, ressentent face au big data en mettant de l'avant le fait que pour eux aussi, c'était une thématique qui était de plus en plus présente dans des conférences spécialisées. Il y avait toujours des axes big data qui prenaient quand même beaucoup de place. Donc oui, eux aussi s'y intéressent. Eux aussi se posent des questions face à ça. Ce qu'elle en dit, c'est que notamment l'idée que la notion de taille, donc ça devient big, ça devient massif quand on atteint la limite de nos habitudes, des pratiques de nos organisations. Et c'est d'aller au-delà de cette limite-là, pour elle, le big. Parce que même sur la notion de taille, les gens s'entendent pas nécessairement. Il y en a qui disent, mais regardez, c'est un terabit de données, c'est gros. Il y en a d'autres qui disent, c'est un peu moins, un peu plus. Donc, elle dit, c'est, dans le fond, c'est relatif face à l'habitude que l'organisation a. À travers ça, le défi, c'est le problème des comparaisons multiples, dans la mesure où, quand on fait de l'analyse statistique, il y a toujours un taux d'erreur. Si tu fais de l'analyse statistique sur 10 000 données, ben il y a un taux d'erreur X. Si tu multiplies la quantité de données sur lesquelles tu fais ton analyse par 100 000 et là que tu te retrouves avec des millions et des millions de données, eh bien ton taux d'erreur aussi est multiplié. Donc comment réussir à limiter ce taux d'erreur-là? Comment réussir à également faire cette analyse-là, mais pratiquement en temps réel? Donc il faut avoir des algorithmes qui sont plus efficaces, qui ont de moins en moins de taux d'erreur et qui sont capables aussi de traiter des données non structurées. C'est pas juste des nombres, c'est des images, c'est des vidéos, c'est des textes, c'est des données qui proviennent des réseaux sociaux. Donc encore là, ça devient un défi encore plus grand. Et dans un contexte où les données qui sont disponibles sont pas nécessairement toujours, adéquates face aux critères de véracité. Donc, parfois, il y a des données qui sont manquantes, parfois, il y a des données qui sont erronées, parfois, ça vient flouer l'objectif visé quand on faisait l'algorithme, quand on faisait l'analyse à l'intérieur des données. Donc, ça reste un bon défi d'un point de vue purement mathématique. Oui. Et parallèlement, l'ingénieur de données, lui, va plutôt essayer de faire les croisements entre différents types d'analyses de données pour arriver avec un portrait peut-être un peu plus précis. Et ça, c'est François-Xavier Poulin-Darvaux, qui est un étudiant finissant en sciences et génie, qui a fondé une entreprise qui s'appelle OpenAI.it, qui disait, ben regardez, on va prendre l'exemple de l'application Mon Trajet, qui a été lancé par la Ville de Québec. Donc, on a, par exemple, 3000 personnes qui vont parler de leur trajet, qui vont qu'on va suivre, qu'on va pouvoir suivre, analyser. Et il dit, l'ingénieur de données, lui, ce qu'il ferait à partir de ces informations-là, c'est qu'il irait chercher aussi les données concernant les feux de circulation. Donc, c'est quoi la synchronisation des feux? Pour voir comment les feux se plaçaient en fonction des autos qui passaient dans ces artères-là. Il irait chercher aussi les travaux routiers pour pouvoir analyser aussi l'impact des travaux sur la vitesse de déplacement. Il irait chercher la présence d'événements. Est-ce qu'il y avait un tournoi cycliste? Est-ce qu'il y avait un spectacle? Est-ce qu'il y avait une manifestation? Il irait chercher aussi des données météorologiques pour voir si avec du vent, avec pas de vent, etc., etc. Donc, plein de critères comme ça qui sont aussi dans le data. Il dit, mais dans le fond, l'ingénieur de données, lui, c'est de croiser pour avoir un diagnostic qui est peut-être un peu plus efficace. Donc, il prend les algorithmes qui ont été développés par les premiers pour, après ça, en tirer d'autres types de conclusions, les mettre en commun, les contextualiser dans le fond. Et lui disait, le manque actuellement est peut-être au niveau de la formation, dans la mesure où c'est tellement émergent qu'il n'y a pas encore eu possibilité de mettre en place des centres de recherche, des chaires, des programmes de formation, des programmes courts, des programmes longs. Il n'y en a pas énormément. Il y en a très peu, en fait, de ce qu'il avait observé. Et donc, lui dit, regardez, il faut que le milieu de l'éducation se mette à la page de ce côté-là, et c'est à partir de ces avancées-là qu'ensuite on va être en mesure de bien appuyer l'entreprise et que peut-être justement on sera en mesure de faire quelque chose d'encore mieux avec les données que ce qu'on pense pouvoir faire actuellement. Mais est-ce qu'il y en a des programmes de formation qui sont peut-être pas encore au point mais qui vont peut-être paraître à l'automne prochain? En cours de route. En fait, il y a des projets un peu partout. Il y en a à l'Université Laval. Il y en a à d'autres universités aussi. Ce n'est qu'une question de temps, mais j'imagine que d'ici quelques années, sans vouloir parler à travers mon chapeau, je suis pas mal certain qu'il va en avoir de plus en plus. On a pas le choix. Il faut dire aussi que les données sont déjà pas mal présentes partout, si on le disait, et sont pas mal présentes aussi dans les objectifs de traitement dans les logiciels, dans les langages informatiques disponibles pour essayer d'en faire quelque chose. Il y a Thierry Badard de Sciences Géomatiques qui a fait une espèce d'inventaire là-dessus qui montre que quand même, sans avoir une solution uniformisée, sans avoir une solution qui est nécessairement la meilleure, mais il y a quand même plusieurs ébauches de solutions qui sont disponibles. Lui faisait référence à des logiciels comme Hadoop, à des technologies comme le NoSQL, le MPP, In-Memory Computing, etc., etc. Donc, il y a des besoins d'affaires qui ont été identifiés, des entreprises qui disent « ben moi, j'ai envie de les utiliser ». Et donc, nécessairement, il y a des solutions qui sont en émergence pour essayer de faire quelque chose. Est-ce que, encore là, c'est les bonnes solutions ou non, ça reste à voir. Ce qu'il dit, c'est que le défi avec ça aussi, c'est qu'on vise à répondre à des besoins d'affaires, mais que parfois ces besoins-là sont pas nécessairement bien identifiés parce qu'on sait pas exactement jusqu'où on va réussir à le pousser. Donc, comme on n'a pas toujours des questions très claires, ben c'est difficile d'avoir des résultats aussi rapides, efficaces. Donc Pas la question, c'est dur d'avoir la réponse. Exactement. Et c'est ce qui a amené des gens de Momentum Technology qui présentaient aussi tout de suite après Monsieur Badard à dire ben l'idée c'est peut-être de commencer petit. En fait, on peut faire de la donnée avant de faire de la donnée massive. Et si une entreprise est pas déjà dans les données, ben c'est sûr que si elle est pas capable, elle a pas l'habitude, elle a pas la culture d'en traiter 10 000, elle sera pas capable nécessairement d'en traiter 1 million et exponentiellement par la suite. Donc, il dit l'enjeu, c'est à la base la donnée et le big data, les données massives, c'est d'une certaine façon un autre type de solution pour un autre type de problème que ceux auxquels on est habitué actuellement. Mais donc, si on n'avait pas avant la notion de big data, c'est difficile d'avoir des problèmes reliés à ça. Exactement. C'est qu'il faut trouver une manière, dans le fond, d'orienter nos problèmes en fonction d'une possibilité de solution big data. Et ensuite, de développer des solutions qui vont être en mesure de répondre à ces nouveaux problèmes-là. Donc, faut pas essayer de faire du neuf avec du vieux. Mais faut pas se créer de problèmes non plus. Faut pas en créer. Les problèmes sont déjà là, évidemment. Ils viennent tout seuls. Ils viennent tout seuls. Mais c'est une autre manière, peut-être, d'envisager la question. Mm. Si on peut dire face à ce problème-là. Et c'est beaucoup ce qui en est ressorti au bout du compte. Donc, c'est l'idée, évidemment, avec les données ouvertes, d'un outillage au service des citoyens et citoyennes. C'est l'idée de l'accessibilité dans la mesure où ces données-là sont là aussi pour servir d'outils rassembleurs, peut-être, pour permettre de mieux comprendre la société, de mieux la construire aussi, quand on parle de l'ouverture. C'est aussi un changement culturel, donc qui doit être structuré, qui doit être planifié, qui doit être adaptatif, ce qui viendra pas, dans le fond, dans les prochaines semaines, qui va venir dans les prochaines années. Évidemment, je le rappelle, peut-être un peu moins avancé sur le massif que sur l'ouvert, il y a encore des flous. Par contre, il y a des technologies qui existent, il y a un écosystème qui est riche, qui est ouvert, qui s'enrichit aussi continuellement. Et à ce stade-ci, on est un peu à la question, donc comment les employer, comment outiller, comment s'outiller, comment poser nos problèmes pour amorcer ce changement de culture qui est nécessaire, mais qui nécessite aussi au départ de bien définir ses besoins, de bien définir nos objectifs tout en restant réaliste, avec aussi bon d'autres défis, que ce soit la visualisation, que ce soit les programmes de formation, que ce soit la recherche et développement, etc., etc. Donc, c'est quand même, disons, c'est le genre d'événement où on ressort avec autant de questions quand on en est rentré. Les questions sont nouvelles. OK, on a des nouvelles questions à se poser, mais on n'a pas répondu aux anciennes. Ben, on a répondu à certaines anciennes, okay. Oui, sinon, il a été métamorphosé en nouvelles questions, donc mieux orienté, mieux structuré. Mais disons que c'est un champ qui est, comme je le disais, en fait, d'importance. Et au bout du compte, ben dans le fond, on est encore à se positionner pour bien se poser les questions, pour bien se lancer là-dedans par la suite. Alors, big data, open data, les données massives, données ouvertes, on va continuer d'en parler. Oh oui. Oh que oui, mais on va prendre une pause pour les prochaines semaines, on va changer de sujet. Raymond Poirier, si on veut en savoir plus ou réentendre les chroniques, le site de l'ITIS. Oui, itis.ulaval.ca. Il y a aussi une petite section liée justement à ce colloque-là avec des présentations PowerPoint, des vidéos et autres. Donc, ça va permettre aux gens d'enrichir aussi ou d'explorer un peu plus avant la thématique. Et à tête reposée de se lancer là-dedans. Raymond Poirier, merci beaucoup. À la semaine prochaine. Alors, Raymond Poirier qui est chargé de communication à l'ITIS.